en grec ancien, oui, des pratiques humaines qui ne donnent pas d'œuvre, par exemple se nourrir, même si on peut dire que finalement la santé est l'œuvre de la nourriture et de la vie, le poème de la vie, pourrait-on dire. Et par opposition à ces praxis, le grec distinguait les poiesis, la poiesis, ce qui crée, ce qui produit, ce qui fait œuvre. Oui, le poème, ce n'est pas seulement la poésie, c'est le besoin de poésie, de l'expression de ce qui nous arrive, de l'exclamation pure, mais qui a pris forme dans une œuvre individuelle, une œuvre singulière, une œuvre qui s'inscrit ainsi dans nos vies et qui fait totalité. Oui, nous avons besoin du poème parce que c'est dans le poème par excellence que se situe l'unité d'une expérience inscrite dans une forme et qui fait l'objet d'un art individuel et qui se transmet jusqu'à nous. Le poème, c'est le terme générique. Oui, nous avons besoin des poèmes. Et peut-être la seule objection qu'on pourrait faire, un des plus grands poètes du XXe siècle et des plus grands théoriciens de la poésie, je veux dire Pierre Reverdy, c'est d'avoir écrit plus sur la poésie que sur les poèmes dans des textes essentiels, intitulés par exemple « Cette émotion appelée poésie » ou bien « La fonction poétique » ou bien « Les circonstances de la poésie ». Mais la poésie est peut-être une fonction générale, mais ce qui compte, c'est d'écrire des poèmes et surtout de les lire, de savoir les lire comme une totalité, de savoir les interpréter, de savoir s'y refléter. Prenons par exemple un poème de Pierre Reverdy, un des poèmes de cette œuvre immense que Picasso avait illustré juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Le Chant des Morts. Il y a chez Pierre Reverdy bien d'autres œuvres majeures et par exemple cet immense poème dans La Liberté des Mers. Mais prenons un exemple dans Le Chant des Morts, ce chant qui est un des chants poignants de la Seconde Guerre mondiale dans la poésie française, comme celui aussi non seulement d'Aragon mais surtout peut-être de Robert Desnos, Desnos et Pierre Reverdy. Je prends un exemple illustré par Picasso, procurez-vous ce volume. Le monde est ma prison si je suis loin de ce que j'aime. Vous n'êtes pas trop loin, barreau de l'horizon. L'amour, la liberté dans le ciel trop vide, sur la terre gercée de douleur. Et plus loin, à la fin, extraordinaire, toujours Pierre Reverdy. Ces débris douloureux crépitent au foyer. Encore un plan qui se déchire, un acte qui manque à l'appel. Il reste peu de choses à prendre dans un homme qui va mourir. La chute de ce poème nous montre que son début n'était pas seulement une image abstraite. Quand Pierre Reverdy disait « Le monde est ma prison si je suis loin de ce que j'aime », on pouvait croire à une sorte d'image abstraite, une métaphore de l'amour, une métaphore presque baroque, presque précieuse, presque maniériste. Oui, penser le monde comme une prison, comme une séparation, cela semble vide. Mais là, cette image dont Pierre Reverdy avait fait la théorie pour définir la poésie, cette image, elle est aussi à prendre un sens littéral. Bien sûr, dans ce Chant des Morts de 1945, ce n'est pas seulement une métaphore, la prison. Pierre Reverdy pense à ces cortèges de prisonniers qu'il a vus passer, Robert Desnos, Max Jacob, tous les deux morts, l'un à Drancy, l'autre en déportation. Pierre Reverdy pense à ces hommes qui vont mourir, et les derniers vers que je vous ai lus aussi, il reste peu de choses à prendre dans un homme qui va mourir, nous montre que la prison n'est pas seulement une image, c'est une réalité qui conduit vers la mort et que la séparation avec ce qu'on aime n'est pas seulement une souffrance, mais aussi ce qui reste dans un homme qui va mourir. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page Le Pourquoi du Comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoy, Anaïs Isbert, Nicolas Berger et Laurence Malonda qui réalisent pour vous cette semaine sur Suran. À la prise de son aujourd'hui, c'était Sylvain Latu, à la lecture des textes Denis Podalydès. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et fin de notre série autour des mines Suran. On sera en compagnie de Constantin Zaharia. Et on commentera cette citation de Suran que j'adore, « Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à rôter ». Et oui, la mélancolie et l'humour seront au programme demain à 10h. D'ici là, réécoutez cette émission, c'est très facile, sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct ou en téléchargement justement en podcast, comme ça vous l'écoutez où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Chemins vous attend également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On est ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.